40e chapitre. Les légations étrangères à Téhéran et ceux qui sont sous leur protectorat. La position des représentants des cours étrangères en Perse est toute différente de ce qu'elle est dans d'autres contrées. Chaque ministre est un véritable potentat, redouté de ceux qu'il est appelé à protéger. Dans maintes circonstances, il peut en effet leur nuire ou leur être utile auprès du gouvernement persan au service duquel sont la plupart des Européens à Téhéran. De là, une dépendance complète des étrangers vis-à-vis de leurs légations respectives, tout devant passer par son intermédiaire. Aussi, chacun tient-il à se faire bien voir, non seulement de son ministre, mais de tous les subalternes de la légation. Ceux-ci, connaissant leur pouvoir, en abusent souvent, et il se passe bien des choses ignorées en Europe qui ne plairaient guère aux différents gouvernements si elles étaient révélées. Ceux qui en souffrent se taisent par crainte. La carte géographique de l'Europe est représentée à Téhéran par des Russes, Suédois, Norvégiens, Danois, Allemands, Autrichiens, Français, Belges, Italiens, Suisses, Anglais, Écossais, Irlandais et surtout des Turcs. Ces divers étrangers, sous la protection des légations, ne le sont pas toujours d'après leur nationalité. Chacun fait choix d'un protectorat selon ses sympathies ou son intérêt, les deux plus puissants mobiles du cœur humain. Ainsi, un Italien, chef d'une maison de commerce, est blotti sous l'aile puissante de l'aigle russe à deux têtes. Un Suisse est protégé par la noble devise de l'Angleterre, « Dieu est mon droit ». Tous, à peu d'exceptions près, ont plus ou moins appris à leurs dépens la vérité de l'axiome. Aide-toi, le ciel t'aidera. Car bien des fois, l'appui nécessaire sur lequel ils avaient droit de compter leur a complètement fait défaut. En général, la plupart des légations établies en Orient sont de véritables sinécures. Les titulaires pourraient être comparés à des membres honoraires d'une société qui n'aurait nullement à s'occuper de ses travaux, avec la différence toutefois que ces agents des gouvernements sont largement payés. Ils acceptent les bénéfices de leur charge, et cependant, que font-ils? Très peu de choses, pour ne pas dire absolument rien. Bien souvent, des plaintes furent adressées par un grand nombre de voyageurs à leur gouvernement, surtout par des Français, au sujet de l'indifférence avec laquelle les légations prêtent assistance à leurs compatriotes. Note. Les fonctionnaires anglais, seuls à Téhéran, prennent à cœur la défense et les intérêts de leurs nationaux. C'est une justice à leur rendre. Fin de note. La principale cause de ce déplorable état de choses est que les agents des légations et des consulats en Orient ne sont pas toujours bien dignes des fonctions qu'ils occupent. On en cite un, entre autres, fils de ses œuvres, qui, venu tout enfant en Perse, y fit sa carrière diplomatique en apprenant seulement la langue du pays. Ses débuts furent plus que modestes. D'abord, marchand d'allumettes dans les rues, il quitta ce commerce peu lucratif pour la livrée de la domesticité dans une famille persane. Il entra ensuite au service d'une légation. Là, il fit si bien qu'après quelques années, le ministre dont il avait ciré les bottes demanda et obtint de son gouvernement pour son protégé le poste officiel de drogman, poste qu'il occupa longtemps, tout en se rendant, comme par le passé, utile et indispensable à ses supérieurs. Connaissant à fond le pays, il était réellement le chef de la légation en question. Le ministre, pour ne pas être troublé dans sa tranquillité, en défendant les intérêts de ses nationaux, lui en laissait l'entière direction. Note. Pas d'histoire, pas d'affaires, je vous en supplie, est en effet la réponse invariable que font la plupart des agents diplomatiques français à leurs compatriotes. Puissent les expériences et les observations que j'ai faites dans beaucoup de pays attirer l'attention du gouvernement français. Fin de note. Ceux qui s'étaient mis sous le protectorat de la légation dépendant pourtant de la nation la plus civilisée et la plus chevaleresque, se courbaient tous devant lui. Ce Drogman, qui épousa la fille unique d'un des gros bonnets du pays, briguait le titre de consul qu'il finit par obtenir. Les jeunes gens en Europe qui se destinent à la carrière consulaire ont à suivre des cours sérieux et difficiles, subir des examens et recevoir des diplômes, et doivent attendre souvent longtemps avant d'obtenir un poste du gouvernement. En Asie, le drogman en question fut plus heureux qu'eux. Jamais il ne connut ni banc d'école, ni études. Il n'en obtint pas moins une charge lucrative grâce à sa seule connaissance du pays et à la protection d'un ministre. Pendant mon séjour à Téhéran, un fait assez curieux qui prouve à quel point sont poussés les abus arriva à la légation de France. Un Français, représentant d'une maison de commerce, avait quitté la Perse il y a quelques années, laissant la liquidation de ses affaires en suspens. Il confia ses intérêts à la légation. Un temps considérable s'était écoulé, et ne recevant aucune réponse aux réclamations qu'il faisait à cette chancellerie, il s'adressa au ministre des Affaires étrangères à Paris. Ce département envoya alors une note à la légation. Grand fut l'émoi. Quelques jours après, tous les Français furent convoqués. Intrigués de cet appel, dont ils ignoraient la cause, ils s'y rendirent. Ils l'apprirent alors par la lecture d'une espèce d'interrogatoire ayant rapport à la vie privée de celui qui s'était plaint du peu de zèle que la légation mettait aux soins de ses intérêts. Les Français, invités à répondre à des questions concernant la vie intime de leurs compatriotes, dont quelques-uns étaient fort délicates, refusèrent d'un commun accord d'acquiescer au désir du chef de la chancellerie, qui exigeait aussi que leur signature fût apposée au bas du questionnaire, dont le but leur était inconnu, mais qui, probablement, devait servir à le disculper. Cette fois, les Français à Téhéran eurent le courage de leur opinion et osèrent braver ouvertement le mécontentement du représentant officiel. Un fait assez burlesque, survenu à une autre légation, montre que bien souvent, aussi, ces charges sont confiées à des titulaires qui sont loin d'être à la hauteur de leur situation. Le représentant d'une puissance à Téhéran, ayant été rappelé dans son pays, choisit pour le remplacer un jeune chargé d'affaires qui connaissait le persan. Ce diplomate en herbe, sorti à peine d'une école de langues orientales, faisait ses premières armes en Perse. Ébloui par cet avancement inattendu qu'il devait au hasard, il apprit peu à peu à jouer au ministre. Pendant cet apprentissage, il fit maintes et maintes bévues et, plus d'une fois, fut relevé d'importance par ceux qui en savaient beaucoup plus que lui en diplomatie et auxquels il voulait donner des conseils. Son gouvernement, si loin de la Perse, ignorait le peu de décorum dont faisait preuve dans sa conduite le jeune chargé d'affaires que personne ne prenait au sérieux. S'amusant avec de joyeux compagnons, courant, chassant, jouant, faisant des dettes et autres fredaines, on le trouvait partout, excepté là où sa charge l'appelait. Un beau jour, il s'en alla au Mazan des Rangs, oubliant d'en informer son gouvernement. Il confia le soin des affaires à son palefrenier en chef, un persan, omettant toutefois de lui laisser le sceau de la légation. Aussi celui-ci fut-il bien embarrassé lorsqu'un compatriote de son maître survint pour faire viser son passeport et traiter une affaire importante au nom de son gouvernement. L'étranger attendit fort longtemps, mais le jouvenceau s'amusait trop bien au Mazan des Rangs pour revenir de sitôt. Le palefrenier en chef partit à la recherche du chargé d'affaires, confiant à son tour la légation à un de ses inférieurs qui également était dépourvu du sceau. Malgré ses plus actives recherches, il revint du Mazan des Rangs sans avoir pu le trouver. L'étranger, qui attendait toujours, finit par perdre patience et télégraphia au ministère des Affaires étrangères de son pays, lui demandant où se trouvait l'agent diplomatique introuvable. Le gouvernement, qui n'en savait pas plus long que lui, ne put le renseigner. De guerre lasse, l'étranger s'en alla comme il était venu. Enfin, le jeune représentant officiel revint de son excursion. Il s'excusa sur son absence, assurant son ministre qu'il était allé au Mazandéran pour s'y guérir d'une fièvre pernicieuse. Mais son chef qui connaissait la Perse lui fit observer que dans le pays marécageux du Mazandéran, les fièvres se prennent, mais ne s'y guérissent point. Sévèrement réprimandé, le jeune étourdi, honteux et confus, jura, mais un peu tard, qu'on ne l'y prendrait plus. Que de nombreux faits plus graves et accablants je pourrais encore citer. Des ordres rigoureux et fermes de la part des gouvernements, en exigeant de leurs représentants en Orient beaucoup plus de zèle pour les intérêts de leurs nationaux, serait un grand secours au profit de ceux qui sont forcés d'en appeler à leur intervention. En 1878, la colonie étrangère de Téhéran ne s'élevait guère au-delà d'une centaine de personnes. Dans ce cercle restreint, se coudoyait un mélange d'individus ne se ressemblant aucunement. Les colons sont les uns au service particulier du Shah, les autres des employés du gouvernement, quoiqu'en réalité, le souverain et l'État ne fassent qu'un. Ainsi, médecins, dentistes, tailleurs appartiennent à la première catégorie, tandis que généraux, instructeurs et chefs de musique militaire, directeurs des postes et de la monnaie, ingénieurs, professeurs du Collège royal, sont de la seconde. Un groupe tout à fait indépendant du service du Shah est celui des employés de télégraphe indo-européens et anglais. Tout cet ensemble cosmopolite forme un quartier à part de date récente. Il est situé à l'entrée de la ville où sont établies les légations étrangères. Le palais de l'Angleterre est en face de celui de la Turquie. L'Autriche et la France sont voisines. La légation de Russie seule est au centre du quartier persan. Les Européens sont très favorisés et jouissent de plus de privilèges que les indigènes, ne payant aucun impôt, aucune taxe. Aussi, ils en abusent et s'arrogent souvent des droits au détriment des persans. Vivant tranquillement, agréablement même, quoique privés des distractions et des amusements de leur pays, ils jouissent d'un bien-être et étalent un luxe qu'ils n'auraient certainement pas chez eux, même dans une position bien supérieure à celle qu'ils ont à Téhéran. Les Européens ne tiennent pas les Persans en très grande estime. Ils les accusent de bien des choses dont eux-mêmes parfois sont les premiers coupables. Leur reproche de manquer de loyauté, d'être enclin à la dissimulation et d'appliquer trop souvent la maxime de Saadi, un mensonge dit dans de bonnes intentions est préférable à une vérité tendant à exciter le trouble. En effet, les Persans entre eux n'ajoutent réciproquement aucune foi à leurs paroles. Cette méfiance s'étend aussi aux étrangers avec lesquels ils vivent en contact. On prétend qu'ils sont, de tous les Orientaux, les moins estimés parmi les musulmans. Cependant, ils se croient supérieurs en esprit et en élégance de langage aux autres populations mahométanes. Il faut reconnaître en effet qu'ils ont beaucoup de grâce dans les manières, une distinction marquée et sont d'une politesse excessive. S'ils ont les vices qu'on leur attribue, ils ont le talent de les cacher sous des dehors charmants. Ceci ne s'adresse qu'aux hommes, car les femmes comptent pour si peu qu'elles échappent à la critique. Entre eux, les Européens se détestent, et la même défiance qui existe parmi les indigènes règne aussi parmi eux. Fin du 40e chapitre.